58, Patrick Pénaud et ses rendez-vous avec X. Un jour ou l'autre, je savais que nous devions en parler. L'affaire Georges Pack. Une affaire longtemps présentée comme la plus importante affaire d'espionnage jamais découverte en France. Nous verrons un peu plus tard ce qu'en pense M. X. Georges Pack, normalien, haut fonctionnaire détaché à l'OTAN, l'organisation militaire occidentale, a été accusé d'être un espion soviétique. Recruté pendant la guerre, durant deux décennies, il aurait fourni à ses maîtres du KGB une moisson d'informations sensibles. Arrêté en 1963, Pack a été condamné en 1964 à la détention à perpétuité par la Cour de sûreté de l'État. Mais en 1968, le général de Gaulle a commué sa peine en 20 ans de réclusion et deux ans plus tard, le nouveau président de la République, Georges Pompidou, normalien comme Pack, a gracié le condamné. Ainsi, cet homme, qui aurait été pour la France l'espion du siècle, n'a purgé que 7 ans de prison. Cette affaire pose beaucoup d'autres questions, certaines n'ayant d'ailleurs jamais été résolues. Mais pour comprendre l'extraordinaire écho qu'on a donné à la découverte de cette taupe soviétique, il ne faut pas oublier le contexte de l'époque. Au début des années 60, grâce à la défection d'un haut responsable du KGB, les services occidentaux découvrent à quel point ils sont infiltrés par leurs adversaires de l'Est. En Grande-Bretagne, en particulier, on met à jour les activités des fameux 5 de Cambridge, Philby et les autres, des hommes qui ont été recrutés par les soviétiques avant même la Deuxième Guerre mondiale et qui ont patiemment creusé leurs trous jusqu'à occuper des postes de responsabilité dans le renseignement ou la diplomatie. Une découverte qui provoque un véritable séisme dans les services anglais. Mais, curieusement, la France semble provisoirement à l'écart. Les services français n'auraient-ils pas été infiltrés aussi? La réponse brutale vient de Washington. Dans une lettre adressée au général de Gaulle, le président Kennedy lui révèle l'ampleur de la pénétration soviétique en France. Des dizaines de taupes existent, et jusque dans l'entourage même du chef de l'État. De Gaulle, furieux, exige une enquête. Des noms prestigieux sont prononcés dans la presse. La méfiance s'installe à tous les niveaux, mais le résultat de cette agitation sera l'arrestation du seul Georges Pack, notre unique taupe. Pénaud, rendez-vous avec X. Cette affaire Pack, c'est une histoire de poupée russe. Amusant. Non, je ne veux pas faire de jeu de mots, c'est la réalité. Plus on creuse et plus on découvre de nouvelles strates et des objectifs toujours plus machiavéliques. Oui, d'accord, mais vous, naturellement, vous savez la vérité. Je pense, oui. Ouais. Bon, alors, allons-y, mais par où commence-t-on ? Pas que je vous en parlerai longuement plus tard, mais je voudrais d'abord évoquer un moment clé de l'histoire de l'espionnage. En décembre 1961, un certain Anatoly Klimov se présente avec femme et enfant à l'ambassade américaine d'Helsinki. Oui, une défection. Oui, Klimov demande l'asile politique aux États-Unis. Et qui est ce personnage, hein? C'est un major du KGB. En réalité, il s'appelle Anatoly Golitsyn. C'est un pion important de la centrale soviétique. Et qui faisait-il? Golitsyn est un analyste. C'est donc pas un homme d'action. Non, pas du tout, non. C'est un type qui a une mémoire fabuleuse et qui, en raison des hautes fonctions qu'il a occupées au sein du KGB, affirme avoir une vue d'ensemble des activités de la centrale en direction de l'Ouest. Et sa défection est donc un événement considérable. Incontestablement, et les Américains ne s'y trompent pas. Très rapidement, Golitsyn est transféré à Washington, où le chef du contre-espionnage de la CIA en personne, James Angleton, s'occupe de débriefer Golitsyn, comme on dit. Et le résultat? Il est inespéré. Le soviétique a une connaissance intime de toutes les manœuvres d'infiltration du KGB dans les services occidentaux et dans les organisations internationales telles que l'ONU ou l'OTAN. Et c'est lui, par exemple, qui va définitivement apporter la preuve de la culpabilité de Philby et de ses petits copains de Cambridge. Une recrue de taille. Oui, d'autant que les révélations de Golitsyn corroborer les informations obtenues grâce à l'opération Venona. Oui, Venona, attendez, rappelez-moi. Venona, c'était une masse de messages codés du KGB captés par les Américains et quelquefois depuis la guerre. Ils avaient été mis de côté. En attendant d'être un jour déchiffrés, c'est exactement, ça. Exactement, oui. Et un jour, enfin, grâce au progrès de l'informatique, ils ont soudain pu livrer quelques-uns de leurs secrets. Oui, quelques-uns seulement. Oui, parce que, vous l'imaginez bien, tous les agents dont il était question dans ces messages étaient désignés par des pseudonymes. Mais grâce à Golitsyn, les spécialistes de la CIA ont eu l'impression de pouvoir lire ces télégrammes à livre ouvert, si je puis dire. Et les Américains ont été effarés. Parce qu'ils n'imaginaient pas que l'infiltration ait pu être aussi importante? Bien sûr, et la conséquence a été cruelle. C'est-à-dire? Eh bien, ce déballage a d'abord eu pour effet d'instiller la méfiance dans les services secrets occidentaux. Aux États-Unis, par exemple, le directeur du renseignement pour le bloc soviétique à la CIA est devenu suspect. Et en Grande-Bretagne, c'est le chef du MI5 lui-même, Sir Roger Hollis, qui a été dans la ligne de mire des chasseurs de tulpes. Qui pose une question essentielle. Ce Golitsyn aurait pu être un foutre en suge téléguidé par le KGB pour introduire la confusion à l'Ouest. Vous avez tout à fait raison. Et à l'époque, beaucoup de gens ont eu ce genre de réflexe. Nous-mêmes, en France, nous avons eu des doutes. Parce que si on regarde cette affaire d'un point de vue strictement objectif, quel en était le résultat? L'introduction d'une grande pagaille dans les services occidentaux. Mais donc si on cherche à qui profite le crime... Oui, c'était assez tentant. Souvenez-vous de la célèbre affaire Yurchenko, ce faux transfuge. Oui, je m'en souviens parfaitement. Mais en ce qui concerne Golitsyn, qu'en était-il en réalité? Là, je vais sans doute vous décevoir, mais je suis persuadé que Golitsyn était un vrai transfuge. Donc on pouvait donner foi à ses accusations? Dans une certaine mesure, oui. Ouais. Pourquoi seulement dans une certaine mesure? Bien parce que ce responsable du KGB avait une haute idée de la pénétration soviétique à l'Ouest. Mais il ne connaissait pas le nom des taupes, il savait seulement qu'elles existaient. Ça change bien les choses. Ouais. Soyez plus clair, quand vous dites, il savait seulement. Oui, ce bureaucrate avait connaissance de documents très secrets volés à l'Ouest puisqu'il était chargé de les analyser. Il pouvait à la rigueur situer à peu près l'origine de la fuite. Ouais. Mais identifier formellement la taupe, non. C'était ensuite au service de renseignement de faire les recoupements, de trier peu à peu parmi les hommes ou les femmes qui étaient susceptibles d'avoir accès à ces documents très sensibles, vous comprenez? Oui, naturellement, mais... Et si des noms ont été prononcés, souvent à tort et à travers, il faut mettre cela au compte de la paranoïa ambiante. Angleton, en particulier, était l'un de ces types qui voyaient des espions partout. Les révélations de Golitsyn arrivaient à point nommé pour nourrir son délire. Mais c'est grave ce que vous dites. Hein. C'est simplement la vérité. Oui. Bon. Mais... Venons-en à l'enfance. Hein. Dans le déballage de Golitsyn, là, y a-t-il quelque chose qui nous intéresse? Oui, mais les Américains ne nous l'ont pas fait savoir tout de suite. Mais pourquoi? La première raison, c'est que le transfuge a choisi de faire défection chez les Américains. Nos bons amis de la CIA s'intéressent d'abord à ce qui les concerne, au premier chef. C'est logique, oui. Ouais. La deuxième raison, c'est que Golitsyn est surtout très bien informé pour tout ce qui touche le monde anglo-saxon. Mais pour la France, ses tuyaux sont, semble-t-il, moins précis. Enfin, il y a une troisième raison. Laquelle, alors? Eh bien, disons que... Les Américains attendent le bon moment avant de nous informer, le bon moment politique, bien sûr. Mais ce qui signifie? Le moment qui embarrassera le plus le gouvernement et le général de Gaulle, que les Américains, non sans raison, soupçonnent d'indocilité. Donc il y avait un calcul derrière. Naturellement. Mais si vous le voulez bien, c'est un point sur lequel je reviendrai. D'accord, mais... Donc la CIA, hein, calcul politique ou pas, va quand même finir par vous donner des tuyaux à propos des révélations de Golitsyn. Oui. Une question tout d'abord. Avant même que les Américains ne vous informent, vous n'aviez pas de soupçons? Bien sûr que si. Pourquoi la France serait-elle restée une exception? Ouais. Vous voulez dire, pourquoi les services français n'auraient-ils pas été eux aussi infiltrés? C'est cela. Il n'y avait pas de raison, n'est-ce pas? Et heureusement. Heureusement, vous exagérez. Pas du tout. Il n'y a que les mauvais services secrets qui ne font pas l'objet de tentatives de pénétration de l'adversaire. C'est-à-dire les services inefficaces. Exact. Ouais. Alors, si je vous suis bien, l'existence d'une taupe, c'est en somme un brevet d'excellence, hein, de ce point de vue. Les services anglais étaient vraiment très très bons. Là, c'est vous qui ironisez. En tout cas, pour revenir à ce que je disais, c'est vrai que nous nous demandions, et pourquoi n'aurions-nous pas notre Philby? Est-ce que vous le cherchiez? Dans les services, on est toujours aux aguets, pour les raisons que je vous ai dites. Et dans le passé, à plusieurs reprises, nous avions eu des soupçons et nous avions même déjoué certaines tentatives d'infiltration. Souvenez-vous de l'affaire Cardo. Oui, c'était un Tchèque qui s'était fait passer pour un Français. Et qui avait réussi à se faire engager par le SDEC. Pas mal, non? Oui, tout à fait. Enfin, là, soudain, avec les révélations de Golitsyn, nous allions être servis. Parce que selon lui, il apparaissait que plus de 50 espions soviétiques étaient infiltrés dans nos services, mais aussi dans les plus hautes sphères de l'État. Jolie fournée, n'est-ce pas? Qui était vraiment ce Golitsyn, transfuge soviétique? Je me suis reporté à un livre d'entretien publié en 1990 chez Grasset, Les Visiteurs de l'Ombre. Marcel Chalet, ancien directeur de la DST, un homme dont nous allons reparler, y parle de Golitsyn qu'il a personnellement interrogé aux États-Unis. Je le cite. C'était un brillant sujet du KGB qui avait suivi tous les stades d'initiation à l'intérieur des divers niveaux de formation pour les cadres du service secret soviétique. Golitsyn était remarquablement doué pour ce métier. Compte tenu de la diversité des postes qu'il a occupés, de ses facultés d'observation, de l'excellente connaissance qu'il avait des méthodes et des mentalités, c'était un témoin de première grandeur. Je crois qu'il a beaucoup aidé les services secrets occidentaux à prendre conscience de la dimension réelle des moyens et des ambitions du KGB dans les années 60. C'est évident, en ce qui concerne la France, il nous a aidé à mieux comprendre comment le KGB voyait cet important théâtre d'opération qui était devenu notre pays. Plus loin, Chalet déclare encore « C'était un homme de dossier, non de terrain. Il est apparu dès le départ destiné à devenir un expert du premier type, c'est-à-dire quelqu'un dont les avis pourraient encore être recueillis après qu'il aurait vidé son sac. À partir de là, il s'est certainement efforcé de garder cette image d'expert inégalable dans certains domaines afin de rester utile le plus longtemps possible aux services de renseignement qui l'ont utilisé, la CIA en premier lieu. » Intéressant, cette dernière phrase. Un transfuge, quand il a livré son lot de secrets, n'est-il pas tenté d'en rajouter afin de continuer à exister? En 1962, au printemps, je crois, John Kennedy envoie une lettre au général de Gaulle, par porteur spécial. Pourquoi par porteur spécial? Parce que le président américain veut que sa lettre soit remise en main propre au général. C'est-à-dire qu'il veut que personne dans son entourage, dans l'entourage du général, ne prenne connaissance avant. C'est tout à fait cela, et psychologiquement, c'est important. Kennedy veut ainsi signifier à De Gaulle qu'il n'a nulle confiance dans les gens qui l'entourent. Ouais. Tel que tel général, il a dû prendre ça très mal. C'est évident, d'autant qu'il y avait la lettre elle-même. Kennedy annonçait crûment à De Gaulle que les services américains avaient la preuve que la France était pénétrée au plus haut niveau par le KGB. Réaction du général? Une réelle et incontestable mauvaise humeur. De Gaulle, qui a toujours été irrité par l'arrogance des États-Unis, se dit que Kennedy veut saboter ses tentatives de rapprochement avec Moscou. Mais il lui est quand même difficile de traiter cette affaire par-dessus la jambe. Ouais, parce que si Kennedy dit vrai... Exactement. Par conséquent, il décide d'envoyer un émissaire secret à Washington. Qui? Un général, le chef du deuxième bureau de l'armée. Mais c'est à noter, ni le SDEC ni la DST ne sont informés. Et encore moins notre ambassade aux États-Unis. Et à votre connaissance, que fait ce général? Avec l'autorisation des hommes de la CIA, il rencontre Golitsyn. Il se fait une opinion? Oui. Il revient avec la conviction que le transfuge est vraiment en possession d'informations très préoccupantes sur la France. Et il rencontre le général de Gaulle. Naturellement. Et le président, manifestement troublé, finit par décider d'envoi à Washington d'une équipe mixte formée de spécialistes du renseignement choisis parmi les as de la DST et du SDEC. Vous n'avez pas fait partie de cette mission? Non. Mais je le regrette pour de multiples raisons, mais enfin ici, il ne s'agit pas de moi. Dans cette petite équipe, il y a un homme très intéressant qui deviendra plus tard le patron de la DST. Marcel Chalet. Ah, le policier qui pilotera la fameuse affaire Farewell. C'est exact. Chalet est un excellent policier, un type très doué, très subtil, qui connaît en outre parfaitement la langue anglaise. Il y a pourtant un mais. Quoi? Mais comme d'autres policiers du contre-espionnage, il est obsédé par la pénétration soviétique issue de la résistance et parfois initiée avant même la guerre. Oui, c'est-à-dire les réseaux soviétiques du style Orchestre Rouge. C'est cela, il pense. Mais il n'est pas le seul que les hommes et femmes qui ont fait partie de ces réseaux étaient des agents soviétiques avant d'être des résistants ou des militants antifascistes. Mieux, il est persuadé que les organismes de renseignement de Moscou ont profité de la résistance pour infiltrer des taupes et pénétrer ainsi les milieux politiques à la libération. Et ça vous paraît invraisemblable? Invraisemblable, non. Exagéré, oui. J'ai connu personnellement des membres de l'Orchestre Rouge qui n'étaient nullement des agents de Moscou, mais simplement de vrais résistants. Et des gens qui sont longtemps restés des suspects aux yeux de la DST alors qu'ils s'étaient battus avec courage contre les nazis. Mmh. Mais est-ce que les convictions ou les obsessions, comme vous voudrez, de Chalet vont jouer un rôle dans cette affaire? Dans une certaine mesure, oui. Quand on en viendra à cibler les suspects, mais enfin, je poursuis. Donc cette mission composée de contre-espions français arrive à Washington. Ouais. Et ils rencontrent Golitsyn, j'imagine. À plusieurs reprises, bien sûr, mais c'est très important, ils ne sont jamais seuls avec le transfuge. Des agents de la CIA assistent à ces entrevues? Oui. Pourquoi? Ils le surveillent ou ils contrôlent ce qu'il dit? À mon avis, les deux. Enfin, laissez-moi continuer. Les Français font donc longuement parler Golitsyn et ils obtiennent une liste très précise de documents secrets qui auraient été livrés au KGB par des sources françaises. Mais le transfuge ne donne pas de nom? Non. Alors, au cours d'un deuxième voyage, les membres de cette commission d'enquête reviennent avec une masse impressionnante de dossiers. Quel genre de dossiers? Des dossiers de personnages qui auraient pu travailler avec le KGB. Et donc des suspects? Pas seulement, le spectre est large. Ils rassemblent par exemple tous les fonctionnaires ou hommes politiques amenés à avoir des contacts professionnels avec les soviétiques. Et on dit, mais je n'en ai eu aucune confirmation, qu'il y avait même dans le tas le dossier du général de Gaulle. Ouais, ça paraît quand même invraisemblable. Oh, vous savez, j'en ai vu d'autres encore plus invraisemblables. Ouais, quand même. Mais qu'espère-t-il en soumettant ses dossiers personnels à Golitsyn? Éveiller des souvenirs, établir des connexions, des corrélations. Mais Golitsyn, s'il laisse parfois planer le doute, ne prononce toujours pas de nom. Toutefois, lorsque les Français reviennent à Paris, ils ont la terrible conviction qu'il existe, comme je vous l'ai dit, au moins une cinquantaine de taupes de haut niveau dans notre pays. Et la traque commence ? Oui. Mmh. Elle est assez logiquement orientée vers les milieux les plus anti-américains. Les communistes, hein ? Non, non. Dans les services, on sait depuis longtemps que les soviétiques ont renoncé à recruter dans des cercles idéologiquement proches. Il faut donc chercher plutôt à droite et les mieux placés, parce qu'ils sont généralement anti-américains, ce sont les gaullistes. Et puis ce sont les gaullistes qui sont alors au pouvoir. Hein. Or, d'après les renseignements obtenus à Washington, il apparaît que dans les plus hautes sphères du pouvoir, il existe des taupes soviétiques. Tout se tient. Et la DST, mais aussi le SDEC, commence à enquêter. Délicat, tout ça. Ah, hein, très, oui. Et comme les premiers résultats ne donnent pas grand-chose, certains petits malins, vraisemblablement écuyennés par la CIA, se mettent à lâcher des noms. Ouais. C'est à ce moment-là qu'on commence à parler de Jacques Foccart. Mais d'un autre homme politique important, qui est l'un des principaux ministres du général et l'un des négociateurs des accords d'Évian. Vous voyez qu'on tape très haut. Mais en vain, si je vous comprends bien. Oui, mais la méfiance s'installe partout. Et pas seulement dans les sphères du pouvoir politique, dans les services aussi, c'est la panique. Car d'après Golitsyn, il existe au sein même du SDEC un réseau nommé Saphir, qui grouperait plusieurs officiers supérieurs. Saphir, c'est pour ça que Léon Uris, l'écrivain à succès, a appelé son best-seller Topaz. Hein. Bien évidemment. Un livre inspiré d'un bout à l'autre par la CIA, mais enfin passons. Ouais. Donc dans les services, on voit des suspects partout. Et croyez-moi, ça va provoquer de sérieux dégâts. C'est-à-dire ? Eh bien, des gens vont être virés, plus ou moins discrètement. Mais est-ce qu'on a réuni des preuves contre eux ? Non, mais le simple fait qu'ils sont suspects permet de les chasser des services. Au nom du principe de précaution, comme on dirait aujourd'hui. Ouais, exactement. Ouais. Ouais. Mais si je vous suis bien, ces enquêtes sur les taupes ne sont donc guère couronnées de succès. C'est la vérité, c'est très grave pour la France. Bah, expliquez-moi alors. Bah, il s'agit de notre image vis-à-vis de nos alliés, de notre image et de nos rapports avec eux. Car essayons de voir les choses objectivement. Les Américains, très obligeamment, nous font savoir que notre pays est truffé de taupes soviétiques. Alors que se passe-t-il ? Nous sommes incapables de les découvrir. La conclusion s'impose, la France est encore plus profondément infiltrée par les soviétiques que les anglo-saxons ne l'imaginent. Parce que ces taupes ont joué de toute leur influence pour paralyser les enquêtes ? Vous avez tout compris. Alors il va falloir réagir, et vite. C'est comme ça qu'on va enfin arriver à la découverte d'un espion, George Pack. Une découverte providentielle. Et vous avec X. Nous allons bien sûr longuement reparler de George Pack dans la troisième partie de cet entretien. Auparavant, quelques précisions sur la purge qui a touché à l'époque les services secrets français. Voici ce que j'ai trouvé dans un ouvrage récent paru chez Flammarion, DST Police Secrète, livre passionnant, écrit par les journalistes Roger Faligo et Pascal Kropp. D'autres enquêtes vont démarrer côté SDEC à partir de la source Golitsyn, mettant en cause plusieurs officiers dirigeants de la piscine, sans qu'aucune preuve définitive de trahison n'ait jamais permis des inculpations. Le soupçon régnant provoquera simplement la mise à l'écart de certains d'entre eux en 1970. Mais la paranoïa délirante d'Angleton, alimentée par des arrière-pensées anti-gaulliennes dans la communauté du renseignement américain, va déteindre fortement sur certains responsables du contre-espionnage et provoquer une crise profonde du SDEC à partir d'informations vagues et d'une connaissance indirecte du dossier français par Golitsyn. Sur la base de ces informations, on en arrive à suspecter même ceux qui ont participé à la traque. Tel est le cas du colonel Georges Barazer de Lannurien, qui a combattu dans les maquis slovaques pendant la Seconde Guerre mondiale et qui, devenu le chef de cabinet du directeur du SDEC, le général Jacquier, s'est rendu aux États-Unis en 1963 interroger Golitsyn. Or, à partir de cette date, Lannurien est mis sur écoute par la DST, qui le suspecte d'être un agent soviétique, comme lui-même avait suspecté d'autres officiers du SDEC, les colonels Beaumont, Hounault, Delceni, ou Saar de Michel. Et comment en arrive-t-on à George Pack ? Dans les renseignements obtenus via Golitsyn, il y avait celui-ci. Un important document de l'OTAN était parvenu au KGB. Or, ce dossier avait transité par la résidence de la centrale soviétique à Paris. Donc on pouvait penser que la taupe était française. Ou qu'elle avait ses activités en France. C'est juste, oui. Bon, je vous passe les détails, ça a été un vrai travail de fourmi. Les premières investigations ont montré que près de 800 personnes avaient pu avoir accès à ce document. Oh, il ne devait donc pas être si secret que ça. Oui, tout à fait d'accord. Enfin, continuons. D'élimination en élimination, les policiers de la DST arrivent à un petit cercle de 4 personnes. 3 officiers supérieurs et un haut fonctionnaire français, Georges Pack. Tout ce petit monde est mis sur écoute et filé, mais sans résultat. D'autre part, les enquêtes menées discrètement sur la personnalité de ces hommes ne donnent rien. Ça veut dire en tout cas que ces suspects ne sont pas directement interrogés. Non, non, non, on se contente de les surveiller sans donner l'éveil. Et brusquement, alors que les choses traînent depuis un bon moment, un flic de la DST recueille un renseignement très intéressant. Pack, qui a la réputation d'être un homme de droite, très catholique, cacherait son jeu. Dans l'intimité, il professerait plutôt des idées de gauche. Et ça, ça fait tilt. Oui. Chalet, toujours lui, qui dirige l'enquête, se dit aussitôt qu'un homme capable d'une telle duplicité cache peut-être quelque chose de beaucoup plus important. Et il décide de mettre le paquet sur la surveillance de Pack. On est alors au début du mois d'août 1963. Mmh. Avant d'aller plus loin, un mot peut-être sur la personnalité de Georges Pack. Oui, vous avez raison, l'homme le mérite. Pack travaille alors depuis 2 ans à l'OTAN. Ouais, quel poste ? Directeur adjoint du service de presse. C'est une fonction qui ne doit pas donner accès à beaucoup de secrets militaires. Très juste. Pack, normalien, a eu une carrière assez chaotique qui a commencé à Alger pendant la guerre. Il a appartenu à plusieurs cabinets ministériels sous la 4e République avant de devenir directeur de l'Institut des hautes études de la défense nationale. Ça, c'est déjà plus intéressant. Oui, mais enfin, ce n'est pas non plus là qu'on peut surprendre de grands secrets. Les travaux de l'Institut sont surtout théoriques et relativement ouverts. Ce qu'il faut souligner, c'est que Pack, sans nul doute, aurait pu aspirer à exercer de plus hautes fonctions. Mais la vie en a décidé autrement. La vie est peut-être la personnalité de cet homme tranquille qui avait une réputation de bon vivant et de joyeux camarade. Manque d'ambition ? Peut-être. Quoi qu'il en soit, les policiers de la DST le surveillent donc étroitement. Et un dimanche du mois d'août, ils le filent jusque dans un charmant village de la banlieue parisienne. Et là, l'attitude de Pack leur semble curieuse. Pourquoi ? Manifestement, ils semblent attendre quelque chose ou quelqu'un. Or, soudain, les policiers voient arriver une auto qu'ils identifient sans peine parce qu'elle appartient au parc de l'ambassade soviétique. Et à bord, ils reconnaissent 2 hommes qui sont réputés être des agents du KGB sous couverture diplomatique, bien sûr. Et ils viennent pour rencontrer Pack. Et il ne peut pas s'agir d'une coïncidence. Et qu'est-ce qui se passe ? Le rendez-vous a lieu ? Non. Un incident très curieux se produit. Une voiture de police, de la police officielle, je veux dire, se présente dans le village. Aussitôt, les soviétiques déguerpissent. Ils ont eu peur. Apparemment. Pourquoi apparemment ? Croyez-vous vraiment que des agents du KGB auraient eu à s'inquiéter de la présence d'une voiture de la police officielle ? Non. Ces gens-là savent bien que ce sont des hommes de l'ombre qui leur donnent la chasse et pas des types en uniforme. Ouais, vous commencez là à montrer le bout de l'oreille. Hein. Et ça va continuer. Ouais. Vous faites pas que lui, que fait-il ce jour-là ? Il flâne encore un peu, il rentre chez lui à Paris. Mais dès le lendemain soir, il est interpellé par les hommes de la DST et conduit rue des Saussets. Il nie pendant une demi-heure tout lien avec les soviétiques. Mais soudain, il se met à table dans une remarquable confession d'une dizaine de pages, il avoue. Il reconnaît donc être une taupe soviétique. Oui et non. Expliquez. Il reconnaît qu'il a eu des contacts avec les Russes, qu'il lui est arrivé de leur donner des informations, mais jamais de secret touchant la défense nationale ou les intérêts supérieurs du pays. Ouais, excellent moyen pour se dédouaner. Hein. Non, je suis persuadé qu'il dit vrai. Pack est à sa façon un idéaliste. En collaborant avec le KGB, il a toujours eu le sentiment de travailler pour la paix. Ouais, quand même. Non, il est très sérieux. Il affirme qu'au fond, il n'a pas agi autrement que le général de Gaulle, qui s'est toujours défié des États-Unis et a décidé de se rapprocher de l'URSS. Il prétend même qu'au cours de la crise de Berlin, il a joué un rôle essentiel dans la sauvegarde de la paix, en faisant savoir à Moscou que les Américains étaient prêts à en découdre et à utiliser le feu nucléaire si Khrouchtchev ne reculait pas. Peut-être, oui. Mais est-ce qu'il explique comment il a été recruté ? Oui, il ne dissimule rien. Il dit que ça s'est passé pendant la guerre à Alger. Ah oui, ça, j'imagine que ça doit intéresser beaucoup Marcel Chalet. Oui, parce qu'à Alger, c'est vrai. On a retrouvé chez les hommes de la France libre pas mal de gens qui sont devenus soit des agents soviétiques, soit des agents d'influence. En tout cas, Pack déclare que c'est lui qui a pris l'initiative d'approcher des Russes qui étaient alors nos alliés, ne l'oublions pas. Il leur a donné des informations sur les intentions belliqueuses des Américains qui, dit-il, entendaient s'en prendre à l'URSS après avoir vaincu Hitler. Oui. Et vous êtes persuadé, vous, de sa sincérité ? Oui, absolument. Ça ne veut pas dire que je l'absous, entendez-moi bien, mais il n'a transmis qu'il soit vraiment dommageable à la France, sinon des broutilles comme des biographies d'hommes politiques. Pourtant, je me souviens bien, cette affaire a été montée en épingle. Oui, on était tellement contents d'avoir enfin arrêté une taupe, même si pour les gens sérieux, il apparaissait que c'était une toute petite taupe. Donc si je comprends bien, pour vous, Georges Pack a servi de bouc émissaire. En partie, oui, mais là n'est pas l'essentiel. Alors qu'est-ce que c'est l'essentiel ? La vérité, c'est que Pack a été arrêté à la place d'un autre. Un homme qui, lui, était un véritable espion. Ça me semble quand même un peu gros. Pas du tout. D'abord, je vous fais remarquer que Golitsyn a fait des fictions avant que Georges Pack soit embauché à l'OTAN. Alors, comment aurait-il pu transmettre des documents de l'OTAN dont Golitsyn n'aurait eu connaissance ? Effectivement. Impossible. Deuxièmement, quand on examine minutieusement les circonstances dans lesquelles Pack a été découvert, puis arrêté, on s'aperçoit qu'il s'agit d'une opération d'intoxication. Oui, mais qui intoxique qui ? Ce sont les Soviétiques qui intoxiquent les services français. D'abord, cette histoire des opinions prétendument de gauche de Pack, une affabulation. Pack a toujours été un homme de droite, même s'il n'était pas indifférent aux idées progressistes. Non, on a sciemment fait connaître ce détail aux enquêteurs de la DST afin qu'ils s'intéressent à Pack. Et cette histoire de rendez-vous dans un village de la banlieue, ça sent l'opération bidon. Oui, pourquoi ? Mais donner un rendez-vous dans un village quasi désert où les moindres allées et venues attirent l'attention, c'est débile. alors qu'il existe tant d'endroits dans une grande ville pour se rencontrer discrètement. Et cette voiture de l'ambassade soviétique, elle est là uniquement pour compromettre Pâques, pour le désigner aux flics de la DST. Donc à votre avis, c'est le KGB qui a vendu Pâques? Évidemment, parce que la découverte de cette toute petite trahison permettait de dresser un rideau de fumée autour du véritable traître, celui qui espionnait réellement l'OTAN. Et qui était? Un Canadien du nom de Hambleton, qui a été découvert et arrêté beaucoup plus tard, mais pas en France, en Angleterre. Donc selon vous, les Français se sont fait rouler? Oui, mais je n'en ai pas fini avec mon histoire de poupée russe, parce que la dernière de ces poupées, la plus petite, mais pas la moins importante, c'est le jeu américain dans toute cette affaire. Je vous ai dit que les enquêteurs français n'ont jamais vu Golitsyn seul. Pourquoi? Mais parce que le transfuge parlait sous contrôle. Et sous le contrôle des Américains? Naturellement. Et je suis persuadé que lui aussi nous a sciemment intoxiqués à l'instigation des Américains. Mais pour quelle raison? Voyons, c'est très simple. Pour désorganiser nos services en y instillant la méfiance et surtout en embarrassant le général de Gaulle, dont la politique extérieure commençait à inquiéter sérieusement Washington. Coup double, en somme. Je laisse bien sûr à M. X la responsabilité de ses affirmations. Il faut quand même constater que le procès rapide et plutôt bâclé de Georges Pâques, qui s'est parfois tenu à huis clos, n'a pas apporté de preuves très convaincantes de sa culpabilité. Charles Benfredge, un avocat, a publié en 1993 chez Jean Picolec un livre très édifiant à cet égard. Pour ma part, je me contenterai de citer un extrait d'un billet d'André Frossard paru dans le Figaro à l'époque du procès de Pâques. Quant aux documents politiques que l'on reproche à l'accusé d'avoir fournis au gouvernement russe, le meilleur moyen de les tenir à l'abri des regards indiscrets n'était certainement pas de les confier au chef adjoint d'un service de presse, le caractère officiel d'un bureau d'information ne suffisant pas toujours à l'empêcher d'informer. S'il s'agissait de documents secrets, leur secret n'est plus un secret pour les Russes. Dès lors, à quoi bon le huis clos? Et s'il s'agissait de papiers sans valeur, à quoi bon le procès? Je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette information sur notre site internet www.franceinter.com. Vous pouvez aussi obtenir la liste des livres dont j'ai parlé et je vous retrouve samedi prochain.